Oh, toi l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Juré, je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour ma vie. Alléluia. Yahweh bonino ke langa moto na yo mobola, alors que baninga mosusu pesa bango bonheur na plaisir. Obosana nga lokolo bosana kaina na famille nga kutu moto akotela motema azalaka te. Soki likambo il faut kaka basalela nga cotisation, mokolo pe na kozwa eyebani te. Bonini na mokili soki ozangi il faut baseka yo, soki pe otonda bomengo il faut kaka batongo yo. Bakoluka bayeba ndenge nini jibe asoma Mercedes, babosanike na moto kina yo nde okokoma amoto. Yahweh panini okelanga moto na yo mobola, alors ke baninga mosusu opesa bango bonheur na plaisir. Obosana nga lokola bosala kaina na famille nga kutu moto akobetela ntolo azalaka te. Soki likambo il faut kaka basalela nga cotisation, mokolo pe na kozwa eyebani te. Bonini na mokili soki ozangi il faut baseka yo, soki pe otonda bomengo il faut kaka batongo yo. Bakoluka bayeba ndenge nini jibe akoma maréchal, babosanike na motoki na yo nde okokoma mobali ya sango. Succès na nga ezali bénédiction euti yo likolo, ngenge na nga ezali courage ya motoki na nga. Ponini bokoluka moto na nga nasani lokola ya Jean-Baptiste, nasali bino nini, nasali bino nini. Nasali bino nini nga mwana mama lusambo ya nyese na leli. Papi tombala kolela kate la vie c'est comme ça, bajalu bafinga batonga likambo te. Nani akoki kozimba sanza na minzoto engela lisusu te. Nani akoki kobongolo ndoto na ye koma realite. Nga natombola na nga mosapi te, mpo nazali na nga mosantu te. Yahweh tala ndenge mokili na yo etandi masumu, tala ndenge jalousi ekaboli peuple na yo na bikolo na bango. Bato bakomi koboma na lokola tango ya Sodome na Gomo. Pardon Yahweh, tala lelo ndenge Afrika ezangi kimia. Didier Mpeti na leli, Yahweh lisumu nini tosala yo yango tozanga la paix du cœur. Lisumu nini moto moyindo toujours pénitencier. Boke sene utawapi, les riches et les pauvres ba utawapi. La vie c'est comme ça, la vie c'est bongo, il faut du courage. Eh ngai mawa, la vie c'est comme ça, Chibé. La vie c'est bongo, il faut du courage. La vie agit belle ici toi les la vie agit belle ici toi les mama. Jibele ki akofi olomideo pepe kale madilu systeme. La vie c'est comme ça, la vie c'est bongo, il faut du courage. La vie c'est comme ça, la vie c'est bongo, il faut du courage. Panini na mokili soki etwala moto ngengi balobi asaliki isi. Babosani kenza mende apiaka Adam Bombole. La vie c'est comme ça, la vie Mayo, c'est bongo, il faut du courage. Le kia bozi bonziano. La vie c'est comme ça, la vie c'est bongo, il faut du courage. Yaya nanga de fao. La vie c'est comme ça, yaya la vie c'est bongo, il faut du courage. Yaya na manyoche. La vie c'est comme ça. Yaya la vie c'est bongo. il faut du courage.